بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، donc on continue avec le tafsir et on va voir ensemble بإذن الله عز وجل تفسير سورة التين. تفسير سورة التين. Donc Allah dit والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى يقسم بأربعة أشياء، أقسم بالتين، أقسم بالزيتون، وبالبلد الأمين، وبكونه خلق الإنسان في أحسن تقويم. Donc le tin, parce qu'Allah dit donc, par le figuier, il jure ici Allah subhanahu wa ta'ala par quatre choses. Par le figuier, par l'olivier et par ce pays ou cette terre ou cette ville qui est donc sécuritaire, amine. Une ville donc qui est de dépôt. Certes, nous avons créé l'homme de la meilleure façon. De la meilleure façon. Le til, vous connaissez donc le figuier. Le zaytoul, vous connaissez aussi le figuier, donc l'olivier. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces deux fruits, ou c'est donc, on va les appeler comme ça, ou agrumes ou autres. Donc il a juré par cela, car on les retrouve où ça? Philistine, on les retrouve donc en Palestine. On retrouve énormément d'oliviers et de figuiers en Palestine. Et Tour Céline, donc le mont Tor. Donc le mot où Allah subhanahu wa ta'ala kallama Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala kallama Moussa taklima fi hada Tour, ou fi hada Jabal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette montagne, il a parlé à Moussa. Alayhi salatu wassalam. Wa hadi min mu'jizati Moussa alayhi salatu wassalam. Et cela fait partie donc des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moussa, afin qu'il lui parle. Wa kallama Allah Moussa taklima. Certes, Allah a parlé à Moussa d'une réelle parole. Et aussi, donc, al-balad al-amin, bimana Mecca. L'an al-Mecca, Mecca ta, ahabbu biqa'in ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbu biqa'in ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la terre la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatu fi majid al-haram, tufaddalu, yani, على سائر الصلوات في المساجد بمئة ألف صلاة فتفضل بمئة ألف صلاة فيما سواه. Donc la prière à Masjid al-Haram, à Mecca, équivaut à 100 000 prières vis-à-vis de n'importe quelle prière dans n'importe quelle mosquée. Illa Masjid hada, sauf cette même mosquée, c'est-à-dire Masjid al-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, elle est tafdulu ala alf salat. Celle qui vaut donc 1000 prières. Et pour Mecca, c'est 100 000 prières. وفيها في هذه البلدة الطيبة الكعبة المشرفة والناس يأتون عليها من كل فج عميق. Les gens viennent donc faire le tawaf de tous les horizons, même des endroits les plus lointains, de Chine, donc du Maghreb, de l'Europe. Les gens viennent de très loin pour tourner dans cette autour de cette maison sacrée. Donc بعض العلماء قالوا بالنسبة للتين والزيتون لأنها أرض فلسطين وفي هذه الأرض كان فيها آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام. Donc certains savants ont dit que Wattini wa Zaytoun, pourquoi Allah jure par ces deux-là? car Isa alayhi salam, le dernier prophète des enfants d'Israël, y est venu, y était. Donc il y a eu donc le dernier prophète parmi les bannis d'Israël, Isa alayhi salam. Et pourquoi il jure aussi par le mentor? Car il y a aussi donc un des prophètes de bani Israël, parmi les plus importants, Moussa alayhi salam aussi. Et aussi par ce pays, hein, où cette ville qui est donc Amin, c'est-à-dire Mecca, où est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est aussi un tafsir de certains ulama. Il n'y a pas de problème de prendre les deux. On a dit qu'il n'y a pas de problème, à partir du moment que deux tafsirs différents ne sont pas en contradiction, ils sont acceptés tous les deux. Car ce sont des explications qui sont acceptables. Le fait de dire que c'est Philistine par rapport à Tinu Azaytoul, le fait de dire que le mentor Moussa al-Sun est venu là, le fait de dire que Mecca c'était pour le prophète, et le fait de dire qu'en plus Tinu Azaytoul c'est l'art Philistine avec laquelle, on rajouterait avec laquelle il y a eu donc les envoyés d'Allah, parmi les bannis Israël, parmi les envoyés les plus importants, les envoyés qui étaient donc succédés à bani Israël, car c'était bien les peuples préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque. Ils ont été donc les peuples préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque. C'est pour ça qu'Allah leur a envoyé énormément d'envoyés, énormément de messagers, parmi les plus importants, comme Moussa et Issa. Comme Moussa et Issa. Ils ont eu Daoud, hein, ils ont eu Suleyman. Ils ont eu d'autres, parce que Daoud et Suleyman ont donc jugé. Ils ont eu, malgré que Daoud il a eu les souhouf, mais simplement ils avaient la Torah, car ils sont venus en réalité après Moussa, alayhi sallam. Daoud et Suleyman avaient la Torah donc avec eux. Et ne faisaient qu'en réalité que continuer ce que Moussa a enseigné. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donc continue en disant, certes, nous avons créé la personne de la meilleure façon. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la personne de la meilleure façon. Et là aussi il jure, parce qu'il dit laqad, la, et ça salam, tal khalaqna. Donc ici il jure par deux fois. Non seulement par l'âme et par qat. Donc il jure comme quoi il a créé la personne. Fi ahsan taqwim. De la meilleure façon. Yani ahsan hayya wa khilqa. Il n'y a pas de créature sur terre qui est plus belle que la créature de Bani Adam. Même si l'animal il est beau, il ne sera jamais plus beau que de la façon dont l'homme a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala a placé les pieds là où il lui fallait, les mains là où il lui fallait, les articulations là où il lui fallait. Les intestins ne sont pas en dehors, ils sont à l'intérieur. S'ils sont en dehors, n'importe qui te tirait sur les intestins et ça y est. Par exemple, la tête, le visage, qui est la partie la plus noble du corps, regardez où elle est au plus haut. Car il y a dans cette partie la plus noble, les yeux et les oreilles. Les yeux, les oreilles, la bouche, les yeux avec lesquels tu vois la vérité, tu lis le Coran, tu lis les hadiths, et les oreilles avec lesquelles tu l'entends. C'est pour ça qu'Allah souvent dit, donc est-ce qu'ils ont des yeux pour voir ou est-ce qu'ils ont des oreilles pour entendre? Pourquoi Allah montre énormément d'exemples vis-à-vis de la science ou bien même vis-à-vis de l'ignorance? Il mentionne énormément les yeux, les oreilles et le cœur. Car bien sûr, les yeux envoient au cœur ces messages. Et les oreilles aussi envoient au cœur ces messages. Vous voyez, c'est pour ça que le visage est la partie la plus noble du corps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a bien sûr, il a décidé que l'humain sera donc de la meilleure façon. Et on ne trouvera jamais donc une créature parmi les animaux, même parmi les djinns, plus belle que les hommes, que les humains. Hatta, les djinns ne sont pas encore à l'image des humains. Même eux, ils ne sont pas encore assez beaux. Ils ne sont pas. Ils sont même de façon générale, donc pour ceux qui les ont vus, les. Pour ceux qui le voient, ils ne sont pas justement créés de la meilleure façon. Et certes, donc, nous avons créé l'homme de la meilleure façon, et puis après, dit Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, pour montrer comment il peut très bien faire avec l'humain. Thumma radadnahu asfala safilin. Donc, et nous l'avons descendu donc de la plus basse façon. يعني ردة التي ذكر الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل السافلين خلقة كما قال تعالى ومنكم من يرد الله من يرد إلى أرض العمر فكلما ازددت السن في الانسان تغير الى ارض في القوة الجسدية وفي الهيئة الجسدية وفي النضارة الوجه وغير ذلك يرد اسفل السافلين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il va changer donc la créature. Tu nais, donc on voit bien comment tu grandis. Tu arrives à un âge où tu seras donc le plus beau de ta vie. Et puis quand tu vas vieillir, tu vas changer. La peau va s'irriter. Le cœur ne sera plus aussi droit. Tu vas faiblir. Hein? Donc tu ne seras plus aussi beau que tu l'étais lorsque tu avais 30 ans par exemple. Tu ne seras plus de la même façon. Et c'est pour ça qu'Allah dit depuis le descend de la plus basse façon. Et Allah dit bien, et parmi vous, il y a des gens dont Allah justement donc, c'est-à-dire, fait qu'ils vont atteindre l'âge de l'avilissement. L'âge de l'avilissement dans le sens où ils vont avoir dans le sens l'âge en vérité, où ils vont être séniles plutôt. Ils vont en vérité oublier, n'est-ce pas, que la personne âgée, on s'occupe d'elle de la même façon qu'on s'occupe de l'enfant. Akramakum Allah, on l'amène aux toilettes. Hein? On lui fait manger. Il répète mille fois les mêmes choses. On doit lui parler fortement parce qu'il n'entend pas. Toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qui sont faciles à quoi ? En vérité, à tenir, à supporter, à contenir. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait doigt afin de ne pas justement arriver à cela. Il demandait à Allah Azza wa Jal, « Nayarji ila azal al-umur » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait doua pour qu'il ne fasse pas partie de ces gens-là. Qu'il ne fasse pas partie donc des gens qui deviennent séniles. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam spécialement, Allah sallallahu alayhi wa sallam a exaucé sa doua. Il est mort à l'âge de 63 ans, c'est pas quelqu'un qui oublie les choses. Et aussi, pourquoi ? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu oublier ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Le Coran par cœur et tout l'islam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort avec justement avec la science complète, sans qu'il n'ait oublié. Et c'est pour ça que c'est des doigts, parce qu'il savait très bien que si quelqu'un est vieux, il risquerait d'oublier. Et donc, comment le prophète aurait pu oublier tout cela? Donc il faisait doigts afin qu'il n'atteigne pas donc, cette sénilité où on oublie, où on a besoin de s'occuper de soi, de lui-même et de la khiri. Donc on voit qu'il y a un changement dans le visage. Il a kulna inna ahsan taqwim tashmalu hatta al-fitra allati jabbara Allah al-khalqa 'alayha wal 'ibada allati tatarattabu aw tatabanna 'ala hadhihi al-fitra. Fa inna hadha isharatun ila anna min an-nas man ta'awwadha bihi حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل السافلين بعد أن كان في أعلى والقمة من الإيمان والعلم. والآية تشمل المعنيين جميعا. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Donc ici il y a des gens donc ici il veut dire aussi que ce verset aussi comprend et comporte aussi donc bien sûr donc la nature saine, celle dont Allah Azza wa Jalla a donc fait à l'homme. Il a créé l'homme d'une certaine façon. Et aussi l'adoration que l'homme a l'habitude de faire. Hein, que l'homme a l'habitude de faire avec cette adoration qui a été d'abord basée d'abord déjà par la nature saine. Donc c'est pour montrer que des gens ont quoi ? En réalité, sont comme ça même avant d'atteindre l'âge. Pour montrer qu'il y a des gens qui ont délaissé la nature saine et ne veulent pas apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah les a déjà rendus asfal as-safilin avant qu'ils le soient. Le fait qu'ils n'ont pas appris la religion d'Allah, même s'ils auraient toutes les sciences que tu veuilles, les sciences de la vie d'ici-bas, mais pour Allah ils sont asfal as-safilin. Ils sont en vérité les plus bas. Car ils ne connaissent pas la religion d'Allah et aussi n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Même si leur corps était très bien. Même si on va dire qu'ils avaient des corps qui étaient parfaits et une bonne mémorisation, une bonne mémoire. Ils sont intelligents, ils ont des doctorats, ils ont ce que tu veux. Mais le fait qu'ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas adorateurs, donc ils font partie de cela. C'est pour ça qu'Allah dit juste après, « Illa alladhina amanu wa amilu salihat, falahu ajrun ghayru mamnun. » Sauf ceux qui ont cru et ont donc accompli les bonnes œuvres, ils auront donc bien sûr une récompense qui en vérité qui ne se termine pas, hein, qu'ils auront une récompense en vérité. Ces gens-là ne vont pas faire partie de ceux qui vont être revenus à Asfal al-Safilin. Ils ne vont pas faire partie de ceux-là. Car ils sont accrochés à leur foi. et ils sont accrochés à leurs actes. Donc ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à cette foi, ils sont habitués à ces actes. Donc ils restent avec cela jusqu'à la mort. Et on a donné le meilleur exemple, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait donner d'autres exemples. Mais voici par exemple un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falahum ajr, donc ils ont une récompense. Rayum mamnoun. Donc une récompense. Mais rayum munqati', ou rayum maqtou', qui ne se termine pas. Qui en vérité ne se termine pas. Une récompense. Voilà mamnoun bihi aidan. فكلمه مملون يعني صالح صالحه المعنى القطع والصالح المعنى المنة فهم لهم الأجر لا ينقطع ولا أيمن عليهم به يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا كاك aussi donc dans le tafsir غير ممنون il y a donc deux tafsirs par rapport à ça. Il y a le fait que la récompense ne s'arrête jamais. Et la récompense aussi, donc, où il n'y a pas ce qu'on appelle donc un tamen, ni le fait en vérité, il y a mounou alaik, comme on voit certains hommes qui font, lorsqu'ils font plaisir, ils sont tout en train de rappeler, je t'ai fait. Et lui, en vérité, ses hasanets disparaissent. C'est comme les hasanets qui iraient, donc, yaluha alladina amanu, la tomti le sadaqatukum, sadaqatukum bilmanni wal ada. Bilmanni wal ada. C'est comparable à le fait, en vérité, la sadaqa, c'est comparable à du sable qui est au-dessus d'une pierre. Il suffit que lui vienne un vent et repousse ce sable-là. Ce sable-là, c'était Hassan qui était sur cette pierre. À ce moment-là, il n'y aura plus rien. Donc si tu fais du bien, c'est pour Allah, après tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là et tu ne répètes pas. Je t'ai fait. Et là aussi, le même nous, dans le sens où les ulama, ils ont dit aussi, donc c'est aussi une récompense où Allah ne va pas leur dire je vous ai fait. Ils vont avoir la récompense, soit qu'on leur dise à chaque fois, et puis c'est poursuivi par le fait de dire, rappelle-toi, je t'ai fait, il n'y aura pas cela. فما يكذبك بعد بالدين يعني انتقل الله عز وجل من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب قال فما يكذبك بعد بالدين أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين أي بما أمر الله به من الدين ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته وأن الله اشتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسوله ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين. Donc bien sûr, c'est-à-dire que la personne ne te mentira pas après que la religion soit venue, après qu'il y a eu le bayan, après qu'il y a eu la religion, ce dont Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce que tu as reçu de la religion, et aussi ne ment pas, ne va pas la mentir, ne va pas en vérité à mentir sur ce qu'il y a de la religion. Après qu'Allah Azzajal a mentionné ici, donc le fait que les gens viendraient à mentir sur toi, ou à parler sur toi, donc le fait par rapport à Mène, par le fait de dire je lui ai dit, ça rentre dans le riba aussi. Là, ça sera dans le riba fait din. Allah est passé par rapport au riba de la personne jusqu'à riba dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir créé de la meilleure façon, donc de la meilleure façon à al-fitra, non seulement par rapport à comment tu as été créé, mais aussi par rapport à la foi, le fait qu'il t'augmente la foi, donc lorsque ta foi a augmenté, ton corps est encore meilleur, l'intérieur est encore meilleur, donc le corps est composé de ce qui est extérieur, mais de ce qui est intérieur. Et si l'intérieur est meilleur, si le corps est bon, les gestes vont être meilleurs, ce que tu vas faire sera meilleur, donc en vérité, ça sera encore plus beau. Même si tu étais physiquement pas beau, par exemple. Et ça ne veut rien dire à Kouhad devant Allah Azzawajal. Allah ne regarde pas le physique, et il ne regarde pas, l'ayant volé la souwalikum, la assamikum, ni à vos corps, est-ce que tu mesures 2 mètres et que tu es carré, mais walakin volé la kouloubikum. Mais il regarde vos cœurs. Ça veut dire arranger vos cœurs avec le tawhid. Donc en vérité, arrangez vos cœurs, enlevez la haine qu'il y a dans le cœur, enlevez la hantise qu'il y a dans le cœur, arrangez vos cœurs, c'est ça que ça veut dire. Arrangez en réalité ce qu'il y a dans vos cœurs. Car Allah vous regarde ce qu'il y a dans le cœur. Regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Et puis après Allah Azzajal, une fois qu'il a annoncé, qu'il a créé la personne de la meilleure façon, et qu'il lui a enseigné la religion, qu'il lui a augmenté la foi, il a bien dit, Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas que c'est Allah qui est le plus sage des sages? et celui qui en vérité qui légifère de la meilleure façon. وهذا الاستفهام للتقرير يعني يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم. Donc ce mot الأحكام, c'est qui aurait été le plus sage ou celui qui légifère de la meilleure façon, parce qu'il peut venir de deux mots, ou bien de la hikma, de la sagesse, ou bien du hukm, du statut, de la règle religieuse, hein, du décret religieux. فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل. Donc la grande loi, la plus grande loi, celle dont personne en vérité ne peut venir, en vérité contredire ou quoi que ce soit, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا. Et aussi donc la sagesse qui est haute, hein, qui est en vérité بالغة, qui n'a pas en vérité de limite, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est plus sage des sages, non seulement par rapport à lui-même, donc à lui-même, mais aussi par rapport à ce qu'il a légiféré. قدرا, donc par rapport à lui-même. Et aussi par rapport à ce qu'il a légiféré. Toute chose va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ordre revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les koufars le sauront. Ceux qui pour l'instant renient le sauront, mais ça sera trop tard. Et à ce moment-là, tout le monde aura la certitude que c'était le Coran qui était donc véridique. Mais quand ça sera trop tard, ça sera trop tard. Donc on a fini pour ce qui est de cette sourate. Et on prend donc celle qui est après. Donc, Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil-qaram. Allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, au nom de ton Seigneur, hein, qui a créé. Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé. Il a créé la personne à partir d'une substance qui adhère. À partir d'une substance qui adhère. Lui et ton Seigneur est le plus généreux. Celui qui a enseigné avec la plume. Il a enseigné à la personne alors qu'elle ne savait pas. Alors qu'elle ne savait pas. Et ça, bien sûr, c'est Awal ma nuzila ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. أول آية التي نزلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن فنزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام فتأتي مثل فرق الصبح يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا وأول ما كان يرى في هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا يراها يجي مثل فلق الصبح. Donc cela est venu pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. كان يتحنث, c'est il allait adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le pouvait. Il ne connaissait pas encore la science. Il allait méditer sur la création des cieux et de la terre, méditer le fait qu'il y a un créateur dans la grotte de Hara. Il partait seul. Il avait besoin de se réfugier seul. Et c'est une bonne façon pour en vérité être justement médité. Et la première chose qui lui est venue, c'est bien sûr, dans le début de la révélation, c'est les rêves. Pendant 6 mois. C'est pour ça qu'on a dit que c'était donc 26e, si je ne me trompe pas, donc ou bien 6 mois. C'est bien sûr un 26e de la révélation. Un 46e de la révélation. Un 46e de la révélation. Car 6 mois, c'est un 46e de 23 ans. Si tu prends la révélation complète, c'est 43 ans. 6 mois, c'est un 46e. Ça, 23 multiplié par 2. Donc ça faisait ça. Et aussi, ils voyaient ça, c'était une clarté. Comme si, exactement comme s'ils voyaient l'aube, comme s'ils voyaient le jour se lever. C'était vraiment clair. Ils voyaient ce rêve de façon claire et nette, comme s'il était éveillé. Alors que c'était le Menem. Et après, pendant le mois du Ramadan, نزل الوحي الذي في اليقظة. Et pendant le mois du Ramadan, là, il a reçu donc la révélation, mais il était à ce moment-là éveillé. Éveillé. والمدة بين ربيع الأول ورمضان 6 أشهر. C'est là parce qu'il a reçu au début le premier rêve, c'est fait ربيع الأول. Et si vous comptez entre ربيع الأول et Ramadan, vous allez voir que ça fait donc 6 mois. Parce que Rabi al-Awwal, c'est le troisième mois hein, de l'année lunaire. Et Ramadan, c'est le neuvième mois de l'année lunaire. Donc 9 mois, moins 3, 6. وزمن الوحي 23 سنة ولهذا جاء في الحديث أن رؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. C'est pour ça qu'il est dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et les mêmes muslims que donc que en réalité le rêve qui est pieux et véridique c'est en vérité donc le rêve pieux et véridique c'est en vérité une partie parmi 46e partie de quoi de Nubuwa. Donc de la prophétie. C'est une partie, donc c'est une partie parmi 46 parties de la prophétie. لما كان يرى هذه الرؤيا التي يجي مثل فلق الصبح حبب إليه الخلاء. Lorsqu'il a commencé à avoir ses rêves, il a commencé à aimer à rester seul. Il a aimé aller dans cette montagne, rester seul. يعني أن يخلو بنفسه ويتعبد عن هذا المجتمع الجاهلي. Ou enfin, il est resté seul et en vérité s'éloigner de ce peuple ignorant, des mouchriquins de Quraysh. Fara'a alayhi salatu wassalam anna ahsan ma yakhlu bihi ala al-ghar alladhi fi jabal harra wa huwa ghar fi qimmat al-jabal la yakal yashab ilayhi al-insan al-qawi illa bi mashaqqa. Donc il a bien sûr choisi une montagne où il est difficile d'y aller. Même si une personne est forte, c'est difficile pour elle d'y aller. Alors que dites-vous de Massakine des Hujjaj qui vivent actuellement, hein, des vieux, ils vont prier de la craie, ils sortent. Et après on les voit plus près, hein, on les voit plus bouger de leur lit les pauvres. Tellement en vérité c'est dur pour eux. Des gens qui tombent, des gens qui ceci, qui cela, parce que c'est pas facile à monter. C'est pas donné à tout le monde de monter. Même si tu es en forme, il montera avec difficulté. فَكَنَا يَسْحَدُهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَسَلَامَ وَيَتَحَنَّفُ يعني يتعبد الله يتعبد الله عز وجل لله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد يعني عدة ليالي ومعه الزاد أخذه ويتزود به من طعام والشرب ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله. Donc bien sûr donc pendant ce rêve là donc il a vu des choses. Il est parti adorer Allah Azzawajal en méditant et en adorant Allah Azzawajal par rapport à ce qu'il a vu dans ses rêves-là. Par rapport à ce qu'il a vu dans ses rêves-là. Et il a pris de la nourriture hein, suffisante afin de pouvoir arrêter adorer Allah Azzawajal certains jours bien précis par rapport à cela. Et certaines nuits. Et puis après il retourne. يَرْجِعُ وَيَتَحَنَّثِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلْ إِلَى أَنَّزَلَ عَلَيْهِ الْوَحِي وَهُوَ فِي عَدَ الْغَرْ. Il a continué à adorer jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla, bien sûr, l'envoie Jibril, alayhi wa sallam. Atahu Jibril, wa amarahu an yaqra, faqala ma ana biqari'in. Il a dit, lis, il a dit, je ne sais pas lire. Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Wa ma'na ma ana biqari, yani, lastu min zawi al-qira'a. Wa laysa muraduhu al-ma'siya li amri Jibril. Parce que je ne sais pas lire, il lui a répondu tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il désobéisse à Jibril. Il a dit Jibril, je ne sais pas lire. Hein, c'est pas, ça, comme s'il dirait, comment pourrais-je lire alors je ne sais pas. C'est ça tout simplement. Comment pourrais-je lire, mais je ne sais pas lire tout simplement. Et ce n'est pas en vérité une désobéissance. Voilà qu'il a à statir, mais simplement je ne peux pas. Laissa, donc il n'est pas en vérité de ceux qui lisent. إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. Croyez en Allah et son envoyé, donc le et en son envoyé, donc le messager, il est très. فقال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم. C'est celui qui a envoyé chez les illettrés un envoyé de parmi eux. Il est illettré comme eux. Mais Allah a choisi, regardez, a choisi et a donné la meilleure science aux gens qui étaient les plus illettrés. Ça c'est bon pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a laissés comme ça illettrés. Il les a laissés en réalité à l'al-fitra. Il ne les a pas changés. Parce qu'ils n'ont pas été mélangés avec les autres peuples. Les Arabes n'ont pas été mélangés. Et jusqu'à maintenant, si vous allez chez les Arabes, ils n'ont pas été mélangés avec les autres peuples. Beaucoup de peuples ne sont que des mélanges, réellement, mais les Arabes non. Et les gens ne s'occupaient pas d'eux, ils n'étaient pas importants. Des bédouins qui vivent avec des chameaux dans le désert, il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cela. On les a laissés à l'al-fitra. Ils acceptent plus facilement comme ça justement à propager en réalité la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. aussi, فكان لا يقرأ لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشك لشك في صدقه في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لأرتاب المبتلون. Et bien sûr, donc, le Nabi, Allah Azzawajal, par sa sagesse, il a donné donc, ce message à l'envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de montrer aux gens, ceux qui doutent. Imaginez si ça veut dire, ça serait facile, il l'a inventé de lui-même. Mais là, non. Donc Allah, il dit bien, certes, tu ne lisais pas avant cela le livre, et tu ne l'écrivais pas de ta main droite. Donc justement, comme ça, on va être, vont pouvoir, on va être, donc... C'est-à-dire ceux qui médisent, ceux qui ne croient pas en cela, ils ne seront sur le doute. Ils ne pourront plus être sûrs de ce qu'ils disent. Donc Allah Azzawajal, ici par rapport à ces 5 versets, donc il avait dit, donc lis au nom de ton Seigneur, celui qui a créé à partir d'une adhérence, et lis alors que ton Seigneur est le plus généreux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur en ce moment-là. Il a eu peur lorsqu'il a vu Jibril. Hein? Il a eu peur. Et bien sûr, on sait que jusqu'à ce que. Donc, il est parti voir Khadija. Et Hadith, il est connu dans Bad al-Wahi, donc dans le début de la révélation, parmi les premiers Hadiths qui ont été mentionnés par l'imam al-Bukhari, rahmallah, et il l'a mis au début de son livre. L'imam al-Bukhari a choisi justement Bad al-Wahi. Pourquoi il a mis ça au début du livre, avant Kitab al-Iman, hein? Il a mis ça avant Kitab al-Tawhid, avant Kitab al-Iman. Il l'a mis avant cela pour dire que toute la science commence par le Wahi. La science commence par la révélation. C'est pour ça qu'il a mis Bad al-Wahi, le premier chapitre, afin qu'on sache qu'en vérité la science est prise à partir du Wahi. Donc c'est pour ça qu'il a mis Bad al-Wahi, début de la révélation. Il a mis ce hadith là. Donc lis au nom de ton Seigneur. Hein? Lis au nom de ton Seigneur. Dernier en vérité, dis Bismillah. Lis au nom d'Allah Azza wa Jal. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Donc demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu vas faire. Car donc Allah dit au nom de ton Seigneur, lorsqu'il dit Bismillah, le nom d'Allah, il englobe tous les noms. Le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah englobe en réalité tous les noms. C'est pour ça qu'Allah dit Walillah al-Asma al-Husna, fad'uhu biha. Et à Allah appartient à tous les noms. Donc tous les noms appartiennent à Allah. Et on ne voit pas Walil Rahman al-Asma al-Husna. Mais Walillah. On dit aussi Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. C'est pour ça que le nom d'Allah, c'est le plus grand, le plus noble. On sait qu'il y a, même s'il y a khilaf, mais les délits par rapport au nom d'Allah, ils sont bien plus forts. Walillah al-Asma al-Husna. Comme quoi, ça va le plus grand nom. C'est pour ça qu'Allah dit Bismillah, lis au nom de ton Seigneur. Et en vérité, tu vas englober tous les noms d'Allah. Tu vas demander la miséricorde d'Allah, Azzawajal. Tu vas demander secours à Allah, Azzawajal, lorsque tu vas dire Bismillah. Tu vas en vérité demander la baraka à Allah, Azzawajal, et qu'Allah te protège dans tout ce que tu vas faire lorsque tu dis en réalité Bismillah. Donc il a dit lis, mais commence par Bismillah lorsque tu vas lire. N'est-ce pas que c'est ça en vérité en plus dans le début de chaque surah où Allah justement commence par Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et Allah ici aussi a mentionné les noms les plus importants. Donc lis au nom de ton Seigneur. Bismi Rabbika, alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur, de celui qui a créé. Allah ici aussi commence par, en réalité par Rububiya. Il commence par sa création, subhanahu wa ta'ala. Il t'a créé, donc il mérite d'être adoré. Car il est donc ton créateur. Car il est ton créateur, c'est un sabab, c'est une cause. Parce qu'il est ton créateur, donc adore-le. Adore-le. C'est pour ça qu'Allah commence Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, l'annahu. Ici, il y a un sabab. L'hamd, il n'est pas venu parce que l'hamd, il vient de deux façons. On loue Allah de deux façons. Ou par sabab, ou par une réelle sabab. Ou bien parce qu'il y a une cause, ou parce qu'il n'y a pas de cause. Lorsque tu as bu, et que tu as terminé de boire, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, c'est une cause ou c'est pas une cause? Il y a une cause parce que tu as bu. Et si tu marches dans la rue, tu as envie de dire Alhamdulillah comme ça. Tu dis Alhamdulillah. Là, il n'y a pas eu de cause. Tu as dit Alhamdulillah. C'est pour ça que les hasanat, elles sont différentes. Les hasanat avec cause, elles sont au nombre de 20 et au nombre de 30 s'il n'y a pas de cause. S'il n'y a pas de cause. Et là, ce verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça veut dire louange à Allah car il est le Seigneur des mondes. Là, il y a une cause. Le Hamd, il y a une cause. Vous voyez, cette louange, elle a un sabab. Elle a ici aussi un sabab. Donc Allah, il commence par le début pour dire ce qu'il a commencé. Il a créé. C'est bien le départ. Tu as été créé. Et le Nabi, il commence. Là, il découvre qui est son Seigneur, qui est son Créateur. Il découvre Allah. Donc Allah, il dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé. Donc il sait, Alhamdulillah, maintenant je sais que c'est mon Créateur, celui que je recherchais. C'est donc mon Créateur. Allah, il a commencé par le commencement, la créature, la création. Vous voyez comment il a commencé. Et après, il montre même comment l'homme est créé par cette adhérence, hein, ce morceau qui colle, qui va en vérité s'accrocher. Donc il est accroché. Hein. Et aussi, donc il a commencé comme ça avec l'homme, min alaq. Et puis Allah dit bien aussi, Allah khaliq kulli shay'in. Dans l'autre verset, Allah a créé toutes choses et c'est lui qui est garant de toutes choses. Allah, il est garant de toutes choses. Et tout ce qui est bien sûr dans les cieux et sur la terre, et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, tout, bien sûr, c'est-à-dire toute créature, c'est-à-dire toutes les créatures sauf Allah Azzawajal. Toutes les créatures sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé subhanahu wa ta'ala. À partir de rien, il a créé donc toutes choses. Min alaq. Donc on voit bien comment il a créé. Et puis Allah Azzawajal, bien sûr, donc il nous explique comment il a fait. Donc lorsque Allah Azzawajal, donc il a créé au début Mudra. Au début c'était donc Fil Mudra. Donc c'est au début, donc qu'est-ce que tu es au début? Donc tu es en vérité. Donc tu es en vérité donc au début du sang. D'accord? Tu vas être du sang. Lorsque tu aides donc Firahim. On va commencer par le début Afwan. Donc le khalq, au début, tu es quoi? Tu es en vérité notfa. Donc cette goutte de sperme. Ce ma, donc cette eau qui colle. Hein, derrière. Donc c'est tout en vérité qui va rester donc 40 jours dans Rahim, dans l'utérus. Hein, puis elle va changer. Une fois qu'elle, après les 40 jours, elle va changer et elle se. Alors petit à petit. Touche pas. Touche pas. Touche pas. Regarde ce que c'est, touche pas. Et puis ça deviendra donc du sang. Ça devrait être donc aussi du sang en vérité, comme du sang asséché. Et puis après ça va changer jusqu'à ce que ça devienne encore donc plus compact. Hein, petit à petit, encore une fois 40 jours, donc après ça, ça devient le mudra, le chair mâché. On voit bien la forme de l'enfant. On a l'impression qu'on a croqué sur un morceau de viande. Vous voyez qu'on voit un peu comme s'il y avait des traces dedans. Et petit à petit aussi, ça va continuer jusqu'à ce que, bien sûr, ça arrive. Donc, après 40 jours, ça continue. Donc, il devient en vérité donc insen. Il va devenir en vérité insen. Et au bout des 4 mois, Allah Azza wa Jalla, bien sûr, lui insuffle. Hein, il insuffle donc l'âme. Il envoie le melek, l'ange. Ou cet ange-là, donc le mu'ad bil arham, celui qui vient dans les utérus et qui va insuffler le roche, donc l'âme. Il va insuffler l'âme. Et bien sûr, l'âme que l'on ne connaît pas. L'âme qui est en nous, pourtant, ne la connaît pas. Alors que dire de connaître le paradis? Alors que dire encore plus de le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas en vérité décrire Allah subhanahu wa ta'ala. On attribue ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même et ce que le prophète Mohammed s'est aussi attribué. C'est, on ne dépasse pas en réalité donc les textes, le Coran et la Sunna. Et ici, donc, dans l'utérus de la femme, mais c'est donc, bien sûr, il y a un souffle, l'homme, le roh. Alors, comme on a dit, on ne le connaît pas parce qu'Allah dit Yes, alunaka ani roh. Kuli roh min amni rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Il te pose une question au sujet de l'âme. Dis, l'âme est donc quelque chose qui appartient à mon Seigneur. C'est parmi les choses qui sont en vérité secrètes de la part de mon Seigneur. Et je n'ai reçu de science sur l'âme que peu. Que peu de science. C'est-à-dire que l'âme sont des armées déchaînées. L'âme, lorsqu'il sort du corps, roh. Alors qu'il a appelé Roh, en vérité, c'est l'âme lorsqu'il est seul. Et Nefs, c'est l'âme. Et la différence entre Roh et Nefs, c'est que Nefs, c'est l'âme qui est à l'intérieur du corps. Et Roh, c'est l'âme lorsqu'il sort du corps. Vous voyez, mais Nefs, donc, il a expliqué certaines choses par rapport à cette âme. Il y a eu que peu de science par rapport à cela. Et après, bien sûr, donc il va sortir vers la vie d'ici-bas. Après 9 mois, lorsqu'il a resté dans le ventre de sa mère, il sort. Donc l'homme, il fait quoi? Il est dans le ventre de sa mère un certain temps. Après, il est dans la vie d'ici-bas. Après, il est dans le monde barzakh, dans la tombe. Et après, il se retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ou bien au paradis, ou bien en enfer. Le jour dernier, il aura donc... Il a 4 demeures en réalité. Le ventre de sa mère, la vie d'ici-bas, la tombe, ou bien ou le paradis, ou ou le paradis ou l'enfer. Lui est ton Seigneur et le plus généreux. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici, il dit bien qu'il est le plus généreux. Iqra, wa rabbuka al-akram. Il est le plus généreux car il t'a donné de la science. Il n'a pas dit wa rabbuka al-karim. Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Et après, ce qu'il dit juste après, alladhi khalaqak. Voyez ici, il dit ma rabb, bi rabbika al-karim. Ton Seigneur le généreux. Celui qui t'a créé. Donc Allah ici, il a associé la générosité avec la création. Et ici, il ajoute quoi? Le plus généreux. Donc c'est encore meilleur avec la science. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que la science, la ni'ma de la science, c'est encore mieux que la ni'ma de le fait d'être créé. Tu es créé, c'est une grande ni'ma. Mais tu reçois la science, c'est encore une plus grande ni'ma. Parce que ça, c'est le summum de la création, de recevoir la science. Alors que la science, on ne naît pas savant. On ne naît pas savant. N'est-ce pas que Innama al-ilma bit'allum. Ibn Abbas il dit, et par Allah, des gens qui sont morts, martyrs, fils abilillah, voudraient être ressuscités pour devenir savants. Tellement il y a de la noblesse dans cela. Et sachez que personne ne naît savant. Innama al-ilma bit'allum. Certes, la science est par l'apprentissage. Certes, la science en vérité est par l'apprentissage. Tant que, Akhil Karim, tu peux en vérité profiter de la science, fais-le. Tant qu'il y a des assises, tant que tu peux écouter, ne serait-ce que de chez toi au travail ou quoi, même 10 minutes dans la voiture, une audio, fais-le. Combien de frères ont écouté des audios, ils ont terminé des shurouh, parce qu'ils travaillaient d'une demi-heure par-ci, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Ça fait une heure par jour. Compte ça l'année. Si tu travailles au moins 250 heures par 250 jours par an, on va dire, en enlevant les congés et tout ça, par exemple. Eh bien, ça fait énormément, ça fait 250 heures. 250 heures, t'en passes. Et t'en passes et t'en passes, c'est des grands shurouh. Donc tu verras, tu auras des grandes explications. Ne serait-ce que dans la voiture. Alors que dire que si tu as le temps à la maison, ou si, alhamdoulilah, il y a des assises chez tes frères, il a khiri. Vous voyez comment Allah, je le dis, Iqra wa rabbuka al-akram. Lui est ton Seigneur le plus généreux. Il n'a pas dit, il est le généreux, comme dans l'autre verset. Donc il a enseigné, subhanahu wa ta'ala. Il a enseigné le Coran. Celui qui, donc comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, ça ne peut être que d'une part de la grande générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait ce qui est devenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un prophète qui enseigne aux gens la meilleure chose, le meilleur travail, le meilleur rôle. Il n'y a pas meilleur métier que celui qu'a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure personne, le chef des fils d'Adam. Et c'est lui aussi qui sera le chef des fils d'Adam le jour dernier. C'est lui qui va venir, Donc il était le plus savant de tous les hommes, et regardez, et en plus il va venir avec. Justement, il sera encore, même le jour dernier, encore le meilleur. Encore une fois, hatta le jour dernier, devant tous les prophètes, il sera donc le meilleur. Ça fait combien de temps qu'on commence ? Hein ? Il est moins le quart ? Après avoir dit, « Kalla innal insana layatra. Layatra. Certes, l'homme est ingrat. أن رآه استغنى إن إلى ربك لرجع. Donc il dit certes, l'homme est quoi? Est transgresseur. L'homme en vérité est ingrat. Après tout ce qu'il reçoit de la générosité de la part de son Seigneur, il ne veut pas encore obéir. Alors lui crée, l'enseigne. Il le crée et lui donne ce qui va le différencier entre lui et les animaux. L'enseignement, l'intelligence. Et lui, il ne profite pas de ça. Il ne profite pas de quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne revient pas à cela. Donc, on le voit, c'est comme s'il se suffit à lui-même. Il s'imagine donc se suffire, il n'y a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Turyan, c'est Mujawazat al-Had. Turyan, donc la yatra, c'est-à-dire qu'il a transgressé. Il a dépassé les limites. Et lui, il s'imagine en réalité de quoi? Qu'il n'a pas besoin. Il a oublié qu'il était malade et que Allah l'a guéri. Il a oublié qu'il était pauvre et qu'Allah l'a enrichi. Il a oublié qu'il était ignorant et qu'Allah lui a donné donc une certaine science. Il oublie tout cela. Il oublie en vérité la générosité de son Seigneur. Il a oublié qu'il était nu et qu'Allah l'a habillé. Donc qu'il était pauvre et qu'Allah l'a enrichi. Et qu'il lui a donné en vérité les meilleures choses. Il oublie tout ça. Et aussi Allah Azzajal dit bien aussi, et certes il va donc le retour est vers son Seigneur. Quoi qu'il en fasse, il peut très bien être comme ceci, comme il est, il oublie, faut pas qu'il oublie que quoi qu'il fasse, il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et son orgueil ne lui servira à rien. Ne lui servira à rien en vérité. Ne lui servira réellement à rien. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Donc même celui qui se détourne et mécroit, donc Allah le châtiera du plus grand châtiment. Et vers nous, donc vers nous est le retour, et à nous sont les comptes. Donc ça veut dire qu'Allah va bien sûr compter. Donc la personne en vérité oublie cela. Il a tendance à oublier. Et ça, en vérité, c'est un wa'id. Et c'est un tahdid. Allah ici, il menace. Allah ici, quand il dit ça, en vérité, c'est une menace. Et aussi, fais attention. Fais attention à toi, parce que tu vas revenir vers moi. Donc en vérité, la personne devrait faire plutôt attention. Donc ici, il y a le wa'id ou le tahdid. Le fait de... Donc, la personne est non seulement menacée, en plus, elle devrait plutôt faire attention à elle. Qu'elle ne revienne pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient à Allah Azza wa Jal, on ne va pas revenir vers Allah Azza wa Jal que le jour dernier. On doit, nous, déjà dans notre vie, dire, c'est pas revenir à Allah. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas le fait de dire, de toute façon, on va revenir à Allah. Mais Allah Azza wa Jal te demande de revenir à lui déjà dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire comment? Le fait de revenir vers lui dans l'adoration. Mais aussi Allah dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous êtes en discorde sur quelque chose, remettez-le à Allah et à son envoyé. C'est-à-dire au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il est vivant, de sa propre personne, à sa propre personne, et s'il est mort, à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes sont en divergence sur des sujets de fiqh, sur les sujets de tawhid, sur les sujets de beaucoup de choses, et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne reviennent pas au livre d'Allah et à la sunna du prophète, l'envoyé. Ça, c'est tellement simple, c'est Allah qui le dit. Si vous êtes en discorde sur un sujet de religieux, revenez en vérité à Allah et à son envoyé. Vous allez trouver la réponse. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a rien oublié, n'a rien omis dans la religion. Et nous, on va ni ajouter et nous enlever. On va ni ajouter et ni on va en vérité enlever de cette religion qui est complète et parfaite. Si on enlevait et on ajoutait, c'est comme si on disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait manqué à son travail. Comme le dit lui-même Malik, c'est comme si on disait que le prophète aurait trahi la révélation. C'est pire que manquer à son travail. C'est trahir la révélation, comme le dit lui-même Malik, rahmatullah alayhi. Ceux qui se permettent de dire qu'en vérité, celui qui vient ajouter à quoi que ce soit dans la religion. Vous voyez comment en vérité il faut être. Il faut être. Donc le fait de revenir à Allah Azza wa Jal. Et aussi on revient à Allah Azza wa Jal même dans nos difficultés. Dans nos difficultés, lorsqu'Allah dit Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Lorsque les musulmans étaient en difficulté, qu'il y a les coalisés autour d'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas oublié de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajab alakum. Et lorsque vous demandez secours à Allah, Allah vous a exaucé. Allah il a exaucé. Et ce qu'on voit maintenant, ceux qui veulent parler de djihad, non seulement ils ne reviennent pas au livre de fiqh dans le djihad, mais en plus ils ne prennent pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette voie-là. Ils parlent. Ils aiment même qu'on les appelle tekfiri. Ils aiment même qu'on les appelle djihadistes. Et il est content. Il va marcher avec un tri. Il s'imagine que c'est une sunna. Il marche avec un tri parce qu'il est dans son, rêve. Mais ça ne le dérangera pas de ne pas respecter toutes les adorations. Parce qu'il se dit, moi je suis en djihad, donc j'ai le droit. Il s'est fait un film. Alors il délaisse les adorations. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé en aucun moment les adorations. Même pas dans les djihad. Et il a même dit à Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a dit Allah donnera, donc je donnerai l'étendard à quelqu'un dont Allah aime et il aime Allah. Tous les compagnons ont espéré être eux. Ali ibn Abi Talib n'est pas venu. Si c'est lui, ça sera lui. Si c'est pas lui, ça sera pas lui. Il n'est pas venu le matin pour voir cela. Quand ils ont demandé après lui, donc il a dit parce qu'il avait été touché. Et après, lorsque c'était lui, qu'est-ce qu'il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est pendant la djihad. Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, si Allah guide de par ton billet une seule personne, cela est meilleur que la meilleure monture. Cela est quoi? Est plus, donc est plus en vérité, donc c'est meilleur, c'est plus méritable que la meilleure monture. C'est pendant la djihad qu'il a dit ça. Il a parlé de dawa dans la djihad. Il n'a pas dit si tu tues les gens. Il n'a pas dit vas-y demain coupe les têtes. Il a dit si tu guides. Parce que le but c'est pas de les tuer tout simplement. Mais le but c'est quoi? C'est de faire revenir les gens à la religion. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de dawa dans la djihad. Et il y a des hadiths où on parle de tashahhud, il y a des copains, il y a des gens qui sont entrés de nouveau dans l'islam, ils ont été directement faire la djihad, ils ont demandé comment on fait le tashahhud, comment on fait le tahiyyat dans la prière. Et naam, car les gens, lorsque tu aimes la prière, lorsque tu aimes l'islam, tu aimes tout l'islam. Tu ne t'arrêtes pas à dire j'aime que la djihad. Et tout le reste, c'est pourtant c'est délaissement. Ça n'a jamais existé chez personne, ça. Ça n'a jamais existé chez aucun des compagnons du prophète, radhiyallahu anhu. Et c'est pour ça qu'ils ne reviennent ni au livre de fiqh, et ni voir la vie du prophète dans ces cas-là. Donc ni dans le livre de fiqh, parce que s'ils savaient, ils savaient qu'il faut un émir, ils savaient qu'il faut ceci, il faut cela. Donc déjà, ils savent qu'il y a des shurutes, et les shurutes ne sont pas respectées chez eux du tout. Et en plus, ils ne connaissent pas la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour ceux qui font da'wah, et qui font da'wah n'importe comment. Ils ont oublié que la da'wah, elle se fait, elle a toujours été donc conditionnée. La da'wah est conditionnée. Il faut d'abord, Nabi Sami, il a toujours envoyé ceux des gens de science pour faire da'wah. Il n'a pas envoyé les autres. Il a envoyé des gens qui étaient donc érudits dans la science. Érudits dans la science. Ceux qui ont enseigné le Coran, ils étaient érudits. Ubay ibn Ka'b et les autres. Ils connaissaient le Coran par cœur. Si tu veux poser la question, quel est le meilleur verset du Coran, il va te dire, Ayatul Kursi. Il a réfléchi, il a dit lui-même. Et Nabi Sami, il touche, il fait du'a, il dit, Hani al-Laka, ya Abul Manzir. Hein, bien pour toi, Hani al-Laka. Qu'Allah te facilite. Oh, Abul Manzir, une du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui enseigne? Un savant. Et c'est pour ça qu'il arrive à trouver un verset parmi toutes 7000 versets du Coran. Vous voyez? Donc Allah dit, Iqra, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lit. Donc la da'wah sans science, elle va ramener plus de mal que de bien. On ne regarde pas que, alhamdoulilah, il y a un ou deux convertis qui sont entrés. Mais il est entré, mais ce qui est dans l'égarement, ça sert à quoi? On questionne l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, vis-à-vis de cela. Vis-à-vis d'un soufi qui, soi-disant, il se faisait appeler Shir. Donc on a dit un Shir, ils ont dit directement comme si c'était un savant, qui a amené les gens à l'islam. Alors ces gens-là, c'était des gens qui tuaient les gens dans la route. Ils tuaient les personnes. Ils volaient leurs biens et les tuaient. Quant à Abdurouk, des bandits de grand chemin. Et ils ont fait entrer dans l'islam, il a en vérité qu'il a adouci leur cœur avec des chants. La chanson. Donc Ibn Taymiyyah, il commence déjà en disant que s'il était savant, il ne serait pas ignorant de comment faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah. Mais il est plutôt ignorant de comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah, ainsi que ses compagnons et les grands savants connus. Donc déjà, c'est pas un savant. Il montre déjà cette personne, c'est pas possible que ce soit un savant. Et après, il explique. Et il dit qu'en vérité, il les a sortis d'un égarement, à un égarement qui est pire encore. Parce qu'ils étaient dans un égarement, mais ils savent qu'ils font du mal. Et ils peuvent revenir. Mais après, ils rentrent dans un égarement et ils risquent de mourir avec. Parce qu'ils pensent que c'est bien. C'est pour ça que la bid'a, elle est plus aimée auprès de Shaitan que le péché. Quand le péché, on y revient, on lui fait taouba, comme le disait savant, mais la bid'a, on ne fait pas taouba. Parce qu'on croit que la bid'a, c'est bien. La personne, elle pense qu'elle fait du bien, donc elle y reste. Elle s'imagine se rapprocher d'Allah. Alors comment veux-tu qu'elle fasse le repentir facilement? Mais quand tu commets un péché, tu le sais. Et généralement, alhamdoulilah, les péchés sont connus. Les péchés, de façon générale, ils sont connus. À part certains qui sont ambigus. Là, ça rentre dans des détails. Mais de façon générale, les péchés sont connus. Car pourquoi ils sont connus? Parce que par la miséricorde d'Allah, il y en a peu. Par la miséricorde d'Allah Azzajal, il y a peu de péchés. Allah Azzajal a voulu qu'il y a peu de péchés. Qu'il y a peu, en vérité, d'interdits. C'est pour ça qu'un Nabi, c'est lorsqu'il dit, ce dont je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, faites-le comme vous le pouvez. Vous voyez la différence? Là, c'est abstenez-vous-en, et là, c'est comme vous le pouvez. Pourquoi abstenez-vous-en? Les savants ont dit deux choses. Ils ont dit parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc c'est facile de le délaisser, il n'y en a pas beaucoup. Et deuxièmement, parce que la nature saine n'en a pas besoin. Tandis qu'il y a tellement de choses à faire dans le bien qu'on n'arrive pas à faire tout. Est-ce qu'on arrivera à être au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Abou Bakr Siddiq ou autre? Est-ce que nous on peut faire comme lui, se réveiller en jeûnant, visiter un malade, suivre un cortège funèbre et donner une aumône avant Sobh? C'est pas tout le monde qui puisse faire cela. C'est un exemple. Donc on fait ce qu'on peut. Donc faites ce que vous pouvez. Et c'est pour ça. Donc les gens en vérité, ils doivent réellement en vérité connaître. Arrête. Écoute-toi, Abby, t'as vu? Il dit qu'écoute Abby. T'as compris, chauffe. T'as compris? Sans que tu répliques Abby. Hein? Donc, ici, ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Arrête alladhi yanha abdan ida salla. Donc celui qui est interdit, en vérité, il veut interdire, comme par exemple Abu Jahl, hein, ou autre. ceux qui essayaient en vérité d'interdire, les gens priaient. Donc envers ceux qui étaient en vérité, les gens priaient. Abden ida salla. Il interdit le serviteur lorsqu'il prie. Alors qu'il veut en vérité l'interdire de prier. Il interdit en vérité de prier. Alam tar alam ya'lam bi anna Allah yara. Est-ce qu'il ne sait pas qu'en vérité Allah le voit? Araita in kana ala al-huda. Vois-tu que s'il est en vérité, s'il est en vérité dans la vérité, comme quoi que si celui dont tu interdis la vérité, comment tu peux te permettre en vérité d'interdire ceux qui sont dans la vérité? Tu interdis à un Nabi sans de prier, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou amara bit taqwa, ou bien un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné le bien, il ordonne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que donc il a fait ça ou il a fait ça. Qu'il fasse cela ou qu'il fasse cela. Ah, oh. C'est pas qu'il a fait ça ou bien cela. Qu'il fasse cela et cela. Qu'il fasse en vérité cela. Donc il a interdit. Donc il a ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a fait lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il a craint Allah avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la science. Avec la science. Donc il a délaissé ce qui était interdit et il s'est bien sûr empressé de faire ce qui était obligatoire et autorisé. Et aussi, donc sûrement, c'est-à-dire sûrement, effectivement. Donc s'il ne s'arrête pas, donc il verra comment on va le prendre. Donc s'il ne s'arrête pas, c'est-à-dire que s'il ne s'arrête pas, donc ici, il va avoir donc ici. Donc ici, on va le prendre avec force, binansia, avec force, c'est-à-dire en vérité, comme si on faisait par son cou, par exemple, ou par son cou, et on va s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il va en vérité recevoir un châtiment spécifique à lui, douloureux, et qui sera en vérité donc spécifique à lui. Et effectivement, à Kuhel, il a été pris comme cela. Où ça? Dans la Razat Badr, en l'an 2 de l'Hijri. Il a reçu justement ce châtiment. Alors il dit, binansia. Encore un délire comme quoi que le Coran est véridique, parce qu'Allah y parle, les versets ils sont mentionnés, et pourtant c'est réellement comme ça qu'il est mort. On ne peut pas prédire comment il va mourir. Personne ne peut prédire. Et là pourtant, Allah l'a bien montré. Comment il meurt, de quelle façon il est mort. Il est mort justement de cette façon-là. Donc vous voyez, et là, à ce moment-là, il savent. Mais c'est trop tard. À ce moment-là, c'est trop tard. Et Allah dit, « Ya'arifu al-mujrimoun, bisyamihim yukhadu binawasi wal-aqdam » Hein, donc ils seront pris, donc ça par le cou, hein, par la gauche, par le cou, bien par les jambes. Donc les mujrimoun, les pervers, seront en vérité. Hein. Ils vont se reconnaître, ils ont des traces. Ils ont des traces en vérité. Donc ils ont un visage, bien sûr, qui est noir, qui n'est pas illuminé. Et ils seront pris non seulement par le haut et par le bas. Bien sûr, en vérité, c'est des gens qui mentaient. Hein, c'est des gens en vérité qui mentaient et qui commettaient des péchés, à coup de hal des péchés. Donc ils faisaient en vérité des péchés. Faliadou Nadia. Donc l'un d'entre eux appelle. Alors si on a la capacité. Tu vas là-bas. Tu veux plus avec moi avec le bébé, t'as compris? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc ici appelé. Donc à quoi? Il appelle, ici il appelle. Et maintenant en vérité, qu'il appelle. Donc c'est en vérité, de quoi? Il est véridique. Je prends le temps. Je commence à bien attraper. Hein. Voilà là-bas. Sors, c'est qui ça? Bon, mais j'y vais tout seul là-bas, dans le coin. Viens là, bismillah, tout de suite. Tout de suite, t'es méchant. Viens là. Et bien, ici, bouge plus. Bouge pas. Reste là. Bouge pas. Regarde ce que je dis. Il connaît donc si en vérité qu'il est véridique, et si en plus il a la capacité de faire ça, qu'il appelle les gens et qu'il montre les gens et qu'il appelle les gens si réellement il est en vérité, en toute vérité, s'il est véridique dans ce qu'il fait. Qu'il joigne les gens et qu'il dise qu'en vérité, donc que bien sûr sa parole est véridique. Et après avoir dit Salah Dozebania. Et Allah veut dire par là que Ici, donc, on a pire que cela. Appelle ton peuple, Quraysh, appelle-les pour te moquer. Appelle-les si tu veux, si tu es véridique, appelle-les. Mais nous, ils vont t'appeler, disant qu'ils sont bien plus forts que toi. Ce sont les anges qui protègent, donc qui surveillent l'enfer. Zebania. Ce sont les anges qui protègent, qui sont donc l'enfer. Et on connaît que les anges, ils ont donc ils ont des fonctions. La yasuna Allah ma amarahum wa yafhaluna ma yumarun. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce que Allah leur a ordonné, et ils font effectivement ce qu'il leur a été ordonné. Donc Allah leur montre non seulement des gens qui sont plus forts que vous, et c'est même pas Allah, parce qu'Allah est bien au-dessus de cela. Ce sont que des anges qui sont bien plus forts que vous et qui vont s'occuper de vous dans cet enfer. Et après, donc certainement, ne l'obéis pas, ne l'écoute pas, mais prosterne-toi, prie, et rapproche-toi en vérité de ton Seigneur. Lorsqu'il dit wasjud waqtarib, n'est-ce pas que le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est en soujoud, wasjud waqtarib. Donc en vérité, rapproche-toi par le soujoud. Et c'est pour ça qu'un Nabi sans jamais dit donc akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où tu es le plus proche de ton le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en état de donc en prosternation. En état de prosternation. Donc on a terminé aussi par rapport à Sourate Al-Araq. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On a terminé ensemble. Donc barakallahu fikum pour l'accueil. Donc moi je m'en vais demain. J'aurais bien voulu rester, mais des fois il y a des empêchements. Je me retrouve dans une autre ville encore pendant le mois du Ramadan. Mais Inch'Allah, j'ai eu un grand plaisir de rester ici. Je reviendrai. Même si je peux rester longtemps, je resterai autant, franchement, parce que alhamdoulilah, j'ai tourné souvent en France. Et donc les comparaisons, je peux les faire. Franchement, ici, alhamdoulilah, je suis vraiment dans mon élément. Donc je suis vraiment chez moi, je me sens bien, les frères accueillent bien, ils en veulent. Souvent les gens ils notent, ils prennent des notes, tout ça. Donc c'est beaucoup de choses qui m'ont vraiment énormément fait plaisir, alhamdulillah. Donc on a déjà vu donc des fois le contraire de cela, et ça fait plaisir. Donc on espère continuer, Inch'Allah, par la suite avec vous. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.